Debout les morts, de Fred Vargas. Adaptation, Claire Leluerne. Premier épisode. Chérie, Pierre. Regarde-moi. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Il y a quelque chose dans le jardin. Comment ça, quelque chose dans le jardin? Un arbre. Pierre, j'ai dit quelque chose. Il y a un arbre dans le jardin. Oui, Sophia, il y a des arbres dans le jardin, d'accord. Non, il y a un arbre dans le jardin qui n'était pas là hier. Chérie, tout va bien? Non, tout ne va pas bien. Explique-moi comment un arbre arrive tout seul dans un jardin. Une graine, une pousse. Ça doit venir de la maison pourrie à côté, le terrain en friche nous balance plein de saleté tout le temps. Mais enfin, c'est pas une pousse, c'est un arbre. Avec des branches et tout. Bien droit, tout seul, là, au fond du jardin. Bah alors c'est le jardinier qui l'a planté. Mais non, il est en congé. En plus, on ne lui a rien demandé. Il aurait pas planté un arbre tout seul sans nous le dire. Quelqu'un est venu planter ça pendant la nuit. Et ben voilà, ça explique pourquoi il s'est trompé. Allez, passe une bonne journée. À ce soir. Une graine. N'importe quoi. Vous savez si la maison d'à côté est allouée? Bonjour. Ah oui, bonjour. Excusez-moi. Je cherche une location de toute urgence. J'ai vu le panneau à côté, j'ai pas réfléchi. En ce moment, je suis un cerf en recherche désespérée de propriété seigneuriale. Je deviens grossier, pardonnez-moi, je voulais pas vous faire peur. Vous êtes quoi? Ah oui, pardon, humour du 11e, enfin pas l'arrondissement, hein, le siècle. Je suis médiéviste, enfin je m'occupe du Moyen-Âge. Enfin, je l'étudie. Bon, là je m'aperçois que je m'enfonce, donc je n'ai pas de carte officielle d'historien comme au FBI, mais je vais quand même tendre la main à travers la grille pour vous saluer, d'accord? Je ne fais pas de gestes brusques, ne sortez pas de flingue, je m'appelle Marc. Attendez, j'ouvre. Sophia Simeonidis, enchantée. Je m'en serais voulu de vous empêcher de sortir. Je crois que la maison est toujours allouée, mais ne traînez pas, j'ai vu des gens cette semaine. Sûrement des visites. Ah, c'était sûr à ce prix-là. Bon, en même temps, elle est quand même pas mal en ruine, cette baraque. C'est pour ça qu'elle est pas chère. Oui, pour tous les gens du quartier, c'est la ruine ou la maison pourrie, suivant l'inspiration. Dites, je peux vous demander quelque chose? Oui. Vous savez ce que c'est comme arbre, là, contre le mur? C'est un être. Vous en êtes sûr? Pardonnez-moi, mais c'est assez important. Il n'y a aucun doute, madame. C'est un très beau être. Bien. Je vous remercie. Vous êtes très aimable. Bonne journée, monsieur Marc. Bonne journée. Allô? Allô, Mathias? C'est Marc. Je te dérange pas? Marc. On s'est connus il y a 2 ans à la fac. Le prof médiéviste. Ah, si je me souviens bien, la dernière fois qu'on s'est parlé, ça s'est fini sur « Tu étudies la préhistoire, tout est dit. » Qu'en as-tu alors? Tu trouves un truc à ajouter? Ouais, c'était il y a 2 ans. Déjà 2 ans? Mais c'est qu'on ne te voit plus trop à la fac, je me suis pas rendu compte. Oh bah, au moins tu as de la chance de bosser encore à la fac. T'as un poste? Non, mais j'ai un débarras en forme de bureau. Le squatter. Enfin, je crois, hein, personne n'a encore appelé les flics. Le reste du temps, je vends des affiches à jeter. Ah, et ça rapporte? Je dois quitter ma piole dans 10 jours. Parfait. J'apprécie ta solidarité, t'es très deuxième millénaire. Écoute, je vais te montrer une baraque, 4 étages en comptant les combles, un petit jardin et une voisine très propre sur elle, la 50aine bourgeoise qui n'y connaît rien en arbre. C'est dans une petite rue de Paris introuvable, dans un état calamiteux, il y a des trous partout, pas de chauffage, les toilettes ne marchent pas, bref, une merveille. Le proprio en propose un loyer de misère à condition d'améliorer l'endroit, un plan en or. Et tu as pensé à moi? Oui. C'est-à-dire que j'espérais que tu serais aussi dans la merde. Au bout d'un certain temps, le seul réflexe d'un homme dans la merde, c'est de chercher un autre homme dans la merde. Ça doit te parler à toi. Les hommes rassemblés dans une grotte autour d'une flamme salutaire, éloignant les bêtes sauvages, c'est très guerre du feu. Non, alors, guerre du feu, c'est un tissu de... Non, mais à 35 ans, fréquenter ceux qui ont réussi là où toi, tu as tout raté, ça rend aigri. Il n'est pas question que je devienne un de ces chercheurs aigris, prototype du produit de luxe aux espoirs défaits, accrochant ses rêves ratés à ses bagues en argent. Parce que tu portes toujours tes bagues en argent. Toujours. Et le reste ? T'es toujours tout en noir, avec ta ceinture de mauvais goût ? Toujours. Ok, je marche. Moi aussi, ça me fait plaisir que tu sois dans la merde. Parfait. Plus qu'un à trouver, et c'est dans le sac. Plus qu'un à trouver. Ah ouais. La location est pas chère, mais faut pas pousser, on est à Paris, pas dans une grotte préhistorique. Hein. Tes ventes d'affiches, ça va pas suffire. Il nous faut un troisième fou dans la merde. Attends, laisse-moi réfléchir. Lucien Devernois. Devernois ? Non, tu parles pas sérieusement. Tu te souviens de ce qu'il fait ? Historien de la Grande Guerre. 14-18, Mathias ! Un contemporanéiste ! Et puis quoi encore ? Mais ça me fait mal autant qu'à toi. Hein. Quoique pour moi, Moyen-Âge ou contemporain, je te cache pas que c'est un peu du pareil au même. Mais il est loin d'être con, et il est dans la merde. Dans la merde comment ? Il a quitté l'enseignement secondaire public du Nord-Pas-de-Calais pour un poste à mi-temps dans le privé chrétien parisien. Ennui, désillusion, écriture et solitude. Mais c'est magnifique ça ! Appelle-le tout de suite, ça urge. Tu viens pas te coucher ? Sophia ! C'est un être. Hein ? L'arbre, c'est un être. Ça symbolise la patience, tu savais ? Mais t'es encore là-dessus ! Qu'est-ce qu'on fait ? T'as une idée ? Mais rien, enfin ! C'est pas possible, cette manie que tu as de te bâtir un monde de terreur logique à partir de rien. C'est épuisant à la fin. Il y a eu le séisme imminent pour la première de la Traviata, l'agoraphobie à Vienne. Je pensais que ça passerait avec l'âge, mais c'est de pire en pire. Moi non plus, j'avais pas envisagé que tu puisses devenir aussi crétin avec l'âge, figure-toi. Sophia. Ma Sophia, excuse-moi. Ouvre, s'il te plaît. Je crois que j'ai compris pour l'arbre. C'est sûrement le cadeau d'un admirateur. Avec l'anniversaire qui approche. Tu sais, tes fans te suivent encore. La date n'a pas dû leur échapper. C'était quoi déjà ta théorie sur les admirateurs ? Tu sais, les souris, les hippopotames. Les rhinocéros. Alors, les admirateurs se divisent en deux grandes catégories. Ceux qui ont les pistolets chargés et ceux qui creusent. Presque. Tu as les admirateurs rhinocéros, assez redoutables dans leur genre, bruyants, persuadés d'exister plus que les autres, somme toute assez vulgaires. Et puis tu as les admirateurs souris, anonymes et créatifs, mais déterminés et persévérants. En un mot, relativement indélogeables. Après, il y a des tas de sous-catégories, mais tu n'aimes pas que je n'aime pas tes fans. Rila, à ton avis, un arbre cadeau, c'est la souris ou le rhinocéros ? Si tu n'as pas trouvé de mot clinquant style carte musicale, un hommage d'une telle discrétion pernicieuse ressemblerait bien à de l'admirateur souris. Tu sais que j'ai connu une souris qui avait transporté un sac de riz entier en un hiver, grain par grain, dans une botte en caoutchouc, je sais, oui. Après tout, si cet anniversaire te stresse, on n'est pas obligé de le fêter. Tu es Sophia Simeonidis, l'immense cantatrice, tu n'as rien à prouver à quiconque. Et tu es toujours aussi merveilleuse. Viens là. Merci, Pierre. Allez, viens te coucher. S'il te plaît, ne t'en fais plus pour cet arbre. Si tu veux, je le fais arracher demain. Non, surtout pas. On peut pas attenter à la vie, même végétale. Oh, il y a tant de choses dans ton grand livre des superstitions grecques, je m'y perds un peu, je t'avoue. Arrête, personne n'aime arracher un arbre qui ne lui a rien fait. Je vais me chercher un verre d'eau, tu veux quelque chose? Non, merci, je tombe de sommeil. Les dossiers sont un peu lourds en ce moment au ministère. Quand tu remonteras, je serai déjà à l'acte 3 de l'Opéra du Roi dans un profond sommeil. Trop heureux un amant, qu'amour exempte des peines d'une longue attente. Allô? Oui, c'est moi, écoute. Écoute, on annule pour demain, ok? On pourra pas se voir. Non, mais il se passe des trucs, je me demande si elle se doute pas de quelque chose. Écoute, je te rappelle demain, d'accord? Je te rappelle. Bonne nuit. Bonne nuit. Mais l'acte 3 de l'Opéra du Roi se termine sur un réveil épouvanté. Ma chérie, tu n'auras pas de réveil épouvanté, je te le promets. Tu me le promets? Je te le promets. Les emménagements, c'est plus de mon âge. Et tu l'as décidé facilement, Lucien? Oh, en trois mots. Il a serré sa cravate et puis il m'a dit... Il porte une cravate? Écoute, sa cravate, c'est ta ceinture en argent. Accepte-la avec autant d'élégance. Donc, il a resserré sa cravate et il m'a dit, fraternité des tranchées, ça ne se discute pas. Bah tiens, quand on parle du loup... Lucien, je te présente Marc. Marc, Lucien. Salut. Mathias, t'as rasé ta barbe? Tu fais plus de préhistoire? Si. Bah où? Pas à la fac. Ils te laisseraient pas te balader comme ça. Dans ma tête. Ah. Bah oui, t'as pas tort au final. C'est certainement le meilleur des bureaux. Où est-ce que je peux poser mes cartons? Tu peux les mettre au troisième. Super. Comment déjà? Marc. Marc. Super, Marc. Je suis vraiment heureux. Ah oui. Eh, mais il y a 4 étages! Oh oui, je sens que cette coloc va être un parfait désastre. Bonjour Françoise. Tu partais tard aujourd'hui. Ah oui, je vais pas très bien. Alors, ces nouveaux voisins, ça se passe bien? Ils sont charmants quand même, hein? Ils sont beaux, hein? Vous savez qu'ils sont tous historiens? C'est marrant quand même, non? Tout à fait, oui. Bonne journée, hein. Vous avez reçu une carte de Lyon? Ah, faites voir. Je connais pas cette écriture. Ah, c'est pour madame. Elle a encore beaucoup de fans, hein? Ah ben je vais la garder, Sophia est en train... Tiens, justement. Bonjour, Sophia. Bonjour, Françoise. J'ai du courrier pour vous. Tenez. On dirait une carte de vœux. Sûrement encore un admirateur. Bon, allez, bonne journée. Bonne journée, chérie. Au revoir, monsieur Simeonidis. Au revoir, Françoise. Vous avez de la chance. J'aimerais bien avoir des admirateurs secrets, moi. Est-ce que vous êtes libre le 20 juillet prochain? Je donne un concert anniversaire et ça me ferait plaisir que vous veniez. J'invite tous les voisins. C'est génial. Bien sûr que je viendrai. Je ne suis jamais allée à l'opéra. C'est mon rêve. Je vais vous donner une invitation. Entrez une minute. Oh, merci. Il a drôlement poussé, votre arbre, hein? Maintenant, t'as changé d'avis. Bonsoir, chérie. Tu as passé une bonne journée? Je crois que tu voulais pas le donner, ce concert. Je crois que tu détestais les hommages. Comme tu l'as dit, j'ai changé d'avis. C'est à cause de cette carte, n'est-ce pas? C'est Stelios qui t'a écrit, je parie. Arrête, je t'en prie. Qu'est-ce qu'il te veut, ce taré? Il va venir te voir, comme au bon vieux temps. C'est lui, l'arbre? Pierre, arrête, tu es ridicule. Tu es encore jaloux de mon ex? J'ai changé d'avis, c'est tout. Toi aussi, regarde. Avant, tu n'en avais rien à faire de l'arbre, et maintenant, il te préoccupe. Ouais, bah, il me préoccupe moins que ce grand connard blond qui monte une étagère à poil en face au deuxième étage. Ah, je comprends mieux cette subite envie de répéter avec la fenêtre ouverte. Je ne supporte plus quand tu es comme ça. Je veux bien comprendre que tu sois très pris par tes affaires sociales et fatigué. Ça ne doit pas être évident de voir passer tous les jours des filles mères qui vivent sous les ponts et des gosses abandonnés. Je sais que tu fais ton boulot consciencieusement, mieux que tout le monde, et que ça a dû te demander de renoncer à certaines parties de toi et d'en endurcir d'autres. Mais ce n'est pas une raison pour traiter tous les gens comme des dossiers. Tu m'aurais rangé où, moi, à 12 ans, quand j'étais à Delphes et que je vendais des mouchoirs aux touristes, hein? Avec les dégénérés inutiles. Ah, ça y est, c'est reparti avec Delphes, la grande tragédie grecque. Mais va le rejoindre, ton Stelios, le jour même où tu m'as dit oui, t'as disparu avec lui. J'aurais dû comprendre. Je suis allée le voir à l'hôpital. Mais tu vas t'abîmer la voix, chérie, alors calme-toi. Je dois ressortir ce soir. Les dossiers compliqués, ne m'attends pas. Bref, je cours avec rigueur et résolution après le cœur de la Grande Guerre sans parvenir à l'attraper. Et le Nord, c'est définitivement fini pour moi. Et toi alors, Marc? Jusqu'où tes diplômes t'ont-ils emmené? Jusqu'au divorce. Intéressant comme spécialisation. Jusqu'à la mécanique aussi. La mécanique? Oui, à un moment, j'ai bossé sur des moteurs. Et c'est ainsi qu'avec toi, la voie de garage prit enfin tout son sens. C'est magnifique. Faut quand même reconnaître que vous, les médiévistes, vous avez le sens de la formule. Ah mais pas le sens des moteurs. C'est exactement ce qu'ils m'ont dit avant de me virer. Bon, j'avais foutu 3 bagnoles en l'air en une seule semaine. Oui, c'est compliqué les moteurs. Surtout quand ça tombe en panne. J'ai fait Nègre aussi, dans une maison d'édition. Moyen-Âge ? Roman d'amour. 80 pages où l'homme est félin, mais compétent, et la femme radieuse, mais innocente. À la fin, ils s'aiment comme des dingues, et entre les deux, on s'emmerde franchement. T'es parti ? Ah oui, quand ils m'ont viré, je suis parti. Mais aucun diplôme ne peut t'apprendre à te faire virer d'un job pareil. Les diplômes, ça ne fait pas tout, mon petit Lucien. Ça, c'était de l'instinct, du pur instinct. Mais encore. Je changeais des phrases sur les dernières épreuves. Non, mais tu rigoles. Ah bah quoi, l'histoire ne disait jamais quand les deux crétins compétents et radieux se séparent. Encore un problème de mécanique, quoi. Je ne sais pas comment ils s'en sont aperçus. Ça veut dire qu'il y a quand même des gens qui les lisent, ces bouquins. Ah, en parlant de bouquins, j'aimerais mettre mon bureau au dernier étage. J'ai besoin d'un maximum de calme. Non. Pourquoi non? Mais vous avez choisi de vous mettre au premier et au deuxième avec Mathias. Qu'est-ce que ça peut vous faire que je squatte le quatrième? C'est dingue comme il fait encore frisquet en mars. Heureusement que t'as trouvé du bois dans le jardin, Mathias. Tu sais, le feu pour toutes les époques a toujours été un point de départ commun. Modeste, hein, mais commun. Oui, il ne faudrait surtout pas négliger le feu, notre seul point d'alliance connu. Mais vous en avez oublié un autre, la merde. Et comme il y a 4 étages, je suggère qu'on prenne un 4e colocataire. Non. Tu sais dire autre chose que non, Marc? Je comprends mieux pourquoi ta période de prédilection s'est achevée dans un bain de sang. Lucien a raison. Ça allégerait le loyer et les charges. J'ai justement une collègue à la fac... On attend déjà quelqu'un. Comment ça, on attend déjà quelqu'un? Qui? Quand? Je ne sais pas encore quand. Ça dépend de... Ça dépend de quoi? Disons que c'est un peu compliqué. Une femme? Pire. Mon oncle parrain. Ton oncle parrain? C'est quoi ça? Un tontoncle. Je vous expliquerai plus tard. Non. J'ai un livre à écrire, moi. J'aimerais savoir avec qui je vais partager. Déjà? Vous avez un bas de signal avec ton oncle ou quoi? Non. C'est la voisine. On a laissé le portillon ouvert. Bonsoir, madame Simeonidis. On fait trop de bruit? Bonsoir. Non, pas du tout. Je voulais vous demander un service. C'est un peu délicat. Entrez, je vous en prie. Je vous présente Mathias. Bonsoir. Et Lucien. Sophia Simeonidis, enchantée. Alors comme ça, c'est vous qui tenez le front ouest? Je vous demande pardon. Ne faites pas attention. Lucien est plus obsédé par la Grande Guerre que par la politesse. Vous voulez boire quelque chose? On doit avoir du thé quelque part. Non, merci, je ne peux pas rester longtemps. Je suis désolée de vous déranger si tard. En plus, pour une histoire qui va vous sembler complètement ridicule. Mais ça me soulagerait vraiment... Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je vous ai vu faire des travaux dans la maison ces dernières semaines et... Tu vois ce que je te disais, Mathias? Que tu n'as pas besoin d'être tout nu pour monter une bibliothèque. Je ne suis pas tout nu, j'ai mes sandales. Tu sais parfaitement que ça ne change rien. Je comprends que ça te distrait de jouer à l'homme des temps obscurs, mais tu ne me feras pas croire que l'homme préhistorique, quoi que j'en pense, était assez crétin et primaire pour vivre à poil. Mais merci, Lucien, je sais mieux que toi. Ça n'a rien à voir avec l'homme préhistorique. Avec quoi, alors? Avec moi. Mais à quoi ça t'avance? Avoir froid? Les vêtements me serrent. Ah non, mais je rêve, là, c'est la meilleure. Messieurs, messieurs, c'est pas du tout pour ça que je suis là. Ça n'a rien à voir. Ah, tu vois? Vous vous souvenez de cet arbre dont nous avons parlé devant chez moi? Le jour où vous avez repéré la maison? Le hêtre? Oui, voilà, exactement. En fait, j'aurais besoin qu'on creuse au pied de ce hêtre. Discrètement. Eh ben, tu parles d'une intervention. C'est brutal, en fait, sur le front ouest. Bien sûr, je vous paierai. Disons 5000 euros. 5000 euros? Pour un trou? Pour un trou? Et pour votre silence? Et maintenant, tentative de corruption par l'ennemi. De mieux en mieux. Que diriez-vous si un matin, un arbre était apparu dans votre jardin? Franchement, vu l'état du jardin, je sais même pas si on s'en rendrait compte. Mais comment ça, apparu? Un arbre qui est arrivé tout seul, comme ça, sorti de nulle part. Ce n'est pas un cadeau, ce n'est pas le jardinier, personne ne sait qui l'a planté. Si ça pouvait lancer une mode dans la forêt amazonienne. Mais votre mari, qu'est-ce qu'il en dit? Il ne veut même pas que je lui en parle, ça l'horripile. Je sais que ça peut paraître ridicule, mais il n'y a pas que ça. J'ai reçu une carte d'un vieil ami. Disons que je ne me sens pas tranquille. Il faut que je sache s'il y a quelque chose sous cet arbre, vous comprenez? 5000 euros, c'est beaucoup d'argent. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Dès l'instant qu'il s'agit de trancher, moi, je marche. Mais il est impératif que tout cela reste entre nous. Pierre ne doit rien savoir. Je comprends bien l'idée, madame. Mais pardonnez-moi, comment voulez-vous qu'on creuse dans votre jardin sans attirer l'attention de votre mari? Vous pourriez vous présenter comme des ouvriers des services de la ville. Prétexter une vérification de canalisation ou de vieilles lignes électriques, quelque chose comme ça. Mais il va nous reconnaître, nous sommes ses voisins. Aucun risque, croyez-moi, vous ne l'intéressez pas le moins du monde. Charmant. Tenez, voici l'argent, tout y est. Déjà? Il faut croire que notre charmante voisine, aussi intimidée soit-elle, était absolument certaine de nous convaincre. Ce qui la rend passablement intéressante, il faut le reconnaître. Alors c'est d'accord. Demain, je m'occupe de vous fournir des outils, une camionnette, tout ce qui sera nécessaire. D'accord. Je vous ferai signe dès que tout sera prêt. Merci beaucoup. Vous ne vous rendez pas compte à quel point je me sens soulagée. Oh, si, si. Moi, je me rends bien compte, je vous rassure. Je me rends compte que vous avez toutes les raisons d'être inquiète. Mais je me rends surtout compte que ça veut dire que nous aussi, on devrait l'être. Comment ça? Réfléchis, Marc. Il ne s'agit pas de creuser dans n'importe quelle terre. Là, on parle de terre scellée. De la terre scellée? Mais qu'est-ce que tu racontes encore? Mais non, il a raison, un arbre planté, ça veut dire de la terre en dessous. De la terre qu'on n'irait pas remuer parce que justement, il y a un arbre dessus. Je pige rien, les gars. Autrement dit, une tombe. Hein? C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça qui vous fait si peur, madame Simeonidis. Mais pas du tout! Qu'est-ce que vous allez chercher? Je veux juste tout vérifier, j'essaye de comprendre. Et moi, je dis juste que si vous voulez qu'on vous aide, il faut être réglo et nous dire toute la vérité, madame la voisine du front ouest. Sophia, est-ce qu'il y a quelque chose que nous devrions savoir? Non. Il n'y a rien, je vous le jure. Il n'y a rien, mais je veux en avoir le cœur net, c'est tout. D'accord. Mais je vous préviens, madame Simeonidis, si on découvre une tombe, c'est vous qui paierez pour mon déménagement. C'était « Debout les morts » de Fred Vargas, dans une adaptation de Claire Leluerne. Premier épisode. Avec Nathalie Dessay, Sophia, François Lauriquet, Pierre, Manuel Valade, Marc, Duncan Evenou, Mathias, Emmanuel Suarez, Lucien, et Martine Chambachère, Françoise. Bruitage, Bertrand Amiel. Musique originale, Dominique Massa. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Prise de son, montage et mixage, Claude Niort, Pierre Henry. Assistant à la réalisation, Vivien Demeyer. Réalisation, Sophie Haute-Picon. Debout les morts, de Fred Vargas, est publié aux éditions Viviane Amis.